بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب إن شاء الله نواصل في قراءتنا في هذا الكتاب في هذا الدرس الأسبوعي في ليف دو الأصول من علم الأصول بالعلامة الشيخ الإمام محمد بن صالح بن العثيمين رحمة الله تعالى عليه في درس الماضي أخذنا القسم الثاني من تخصيص نبقي التخصيص كي يتي منفصل أولا tu peux nous répéter la différence entre le تخصيص on va dire le مخصص qui est متصل et celui qui est منفصل le متصل c'est celui qui est dans le même texte on n'a pas besoin de le prendre à part de prendre le tarsis dans un texte à part celui dont le qui est lié à ce qu'il a précédé dans le même kalam non l'animal est stakello binafsi il ne peut s'individualiser par lui-même il est lié à ce qu'il y a devant dans le même kalam ou le munfasil non qui s'individualise par lui-même c'est-à-dire que il est lié à un kalam différent il n'est pas lié à ce qu'il y a devant tarsis peut venir à part tu peux avoir un tarmim ou un umum dans un kalem et le tarsis il vient ailleurs il n'est pas lié à ce qui est ce qu'il a précédé après on avait dit que le munfasil est de trois choses le his, le constat, le aql, la raison et le shara, c'est-à-dire les adillah. On avait fait un tambir que le his et le aql, ils rentrent dans quoi comme genre de umum. On a pris que le umum, il était de trois sortes. Le umum, celui qui est là, il y a un tarsis. L'umum, الذي أولد به العموم قطعا. C'est un umum sur lequel il n'y a pas de tarsis. Comme, tu as un exemple. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا. Adorer Allah ne s'associe rien. Là, il n'y a pas de tarsis. Il ne faut rien associer à Allah. Après, on avait dit. Il a dit يريد التخصيص. العموم الذي أريد به الخصوص. Ça, c'est un umum qui, dès son début, c'est un apparent qui est général, mais on veut parler de choses spécifiques. Et ça, c'est là-dedans que rentrent le his et le aql. Kafikullah Azza wa Jal, fi rih ad, tudammir kulle shay bi'izni rabbiha. Que ce vent a détruit toute chose. Et est-ce que ce vent a détruit toute chose réellement? Là, parce que là, il a dit kulle shay, à la base kul min al-fadz al-umum. Pourtant, on sait que ce vent n'a pas tout détruit. Donc là, c'est un am urida bihi al-khusus. C'est-à-dire que depuis son début, tu es arrivé avec un terme am et tu as voulu par ce terme am une chose spécifique. Min awwal al-amr. Et le troisième, c'était al-am al-makhsus. C'est une chose qui est am et on a tiré un tarsis par la suite. Pas depuis le début. Depuis le début, tu as voulu une chose am. D'accord ? Et après, par la suite, on a trouvé un tarsis. Ça aurait pu rester âme, comme ça aurait pu être mukhassas par la suite. Et on avait dit quoi par rapport à. Yani le kitab wa sunna dans le tarsis. Peut être mukhassas par l'ijma, par le kitab, par sunna, par l'ijma. Et le qiyas. Qu'en fait, chacun peut khassas l'autre, ou lui-même. Le kitab peut khassas le kitab, et le kitab peut khassas la sunna. Et la sunna peut se khassas elle-même, et elle peut khassas le kitab, et après chacun des deux peut être mukhassas par l'ijma' ou le qiyas. Ahsanta. Al-Al-Sanu Wasil, Fibab bin Jadid. l'exemple que le Shir avait donné, Shir Fath al-Qadassi, dans Tarsis, Al-Kitab Bilijma, celui que Shir Othaymin n'avait pas trouvé d'exemple. Il avait dit quoi, Shir Fath al-Qadassi, quand j'ai écrit en note, que Kullillahi Azza wa Jal, وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Ils ont fait descendre des cieux une eau purifiante. Et on a dit que c'était caillé par quoi? Par le fait que l'eau peut changer. Si elle est mélangée de najasa, qui change son odeur, sa couleur, ou son goût, ou même une chose qui est autre que najasa, qui fait que cette eau n'est plus tahour. Elle peut être tahir, mais plus tahour. Et cet exemple-là, fait le hakika, j'ai pas vu le tarmim dedans. Ou une chose m'a échappé, je ne connais pas. Ou alors peut-être que l'exemple il n'est pas correct, Allah alayhi, parce qu'il a dit Anzalna min as-samaa ma'an tahura. Ça c'est pas dans l'alphase du umum. Bel, ça c'est dans l'alphase al-itlaq qu'on va prendre aujourd'hui. C'est un nakira fi siyak al-isbat. Maintenant, là où il y a un wajh, c'est que sah, toute eau qui descend du ciel, elle est tahour. Toute eau qui descend du ciel, elle est tahour. C'est peut-être là le wajh de l'exemple. Mais dans les alphas, dans le verset, il n'y a pas d'alphas de umum. Ce qu'on a pris comme alphas de umum, il n'y en a pas dans le verset. Mais le ma'na, na'am, il y a un umum. Que toute eau qui descend du ciel, elle est tahour. Allahu ta'ala alam. Donc ça m'a posé un petit problème. Est-ce qu'il y a une chose qui m'a échappé, comme je t'ai expliqué? Ou alors, il y a un truc crosse dans certains, dans Alphonse de l'Omoum qu'on n'a pas pris. Yani, el kalem, min haythu shurut, il ne rentre pas dans ce qu'on a pris. Min haythu ma'na, il rentre dedans. Taïb, nouasil. Nakhouzou l'yom, inshallah, bab. المطلق والمقيد المطلق والمقيد donc là faire attention car ce bab le mutlaq il ressemble au am, il y a un ishtibah entre les deux, il y a des différences mais il y a un ishtibah, ce qui fait que des fois on peut être dans la confusion. C'est pour cela que les usuliyoun dans leur kutub ils le mettent à la suite, ils mettent al-am ou al-khas et après ils mettent al-mutlaq ou al-muqayyad car ils se ressemblent. قال تعريف المطلق المطلق لغة هو ضد المقيد tout simplement que en la langue arabe le mutlaq c'est le contraire de al-muqayyad. Souvent al-itlaq يعني on l'applique sur une chose qu'on libère, qu'on lâche. مثلا tu dis اطلقنا ال Al-Asara, on a libéré les prisonniers. Ils étaient prisonniers. Atlaqtahum, c'est-à-dire tu les as libérés. Ou yukal itlaq al-nar, ici en arabe, pour dire, mathalan, un coup de feu. Itlaq al-nar, c'est-à-dire le feu est parti. Et kadhalik, tu vois, attal takun mathalan, fulan talaqa zawjata. Il a divorcé sa femme. En fait, il a libéré. Et elle s'est partie. Car la femme est un peu comme dans le hadith, c'est venu comme une détenue auprès de son mari. Donc le talaq, c'est une forme de libération. Je te libère. Même une balle s'appelle talqa. Ça s'appelle rasas, ça s'appelle talqa également, c'est-à-dire c'est une chose qui part comme ça, directement. Fiyad al-ma'ana. Wa istilahan ma dalla ala al-haqiqa bila qayd. Istilahan, c'est ce qui doit être pris dans sa réalité sans retenue et sans condition. Pour éclaircir la chose, on va prendre un peu du charh de Cheikh Othaymine lui-même dans certaines ibarat pour les faciliter. Qala ka qawli Allah ta'ala fa tahlir rukbatin min qabli an yatamassa. Donc libérer un esclave avant qu'il n'ait à nouveau des rapports. Surat al-Mujadala, verset 3. C'est-à-dire que celui qui aura dit que sa femme est comme le dos de sa mère, s'appelle al-Zihar, il ne peut avoir de rapport avec sa femme qu'avec une expiation. Parmi cette expiation, Hada, al-Azim Afkouf al-Aya, qui libère un esclave avant d'avoir des rapports avec sa femme. قال فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام. Donc, dans notre parole, lorsqu'on dit ce qui a un sens qui démontre sa réalité, cela exclut العام. لأنه يدل على العموم لا على المطلق الحقيقة فقط. Car le عام, lui, il a un sens de عموم, de généralité et non pas de réalité en soi seulement. طيب. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? كما قال في شرحه المطلق إنه لا يعم جميع أفراده وإنما يتعلق بفرد منها فقط لكنه غير معين. Le mutlaq, il n'englobe pas tous les éléments de sa nature. Contrairement au âme. Le âme, c'est quoi? يشمل كل أفراد من جنسه. Le âme, on a dit quoi? Il englobe tous les éléments, tous les composants de la nature qui est visé dans le terme. Alors que le mutlaq, lui, vise peut-être un seul élément ou certains éléments dénombrés. Alors que le âme, c'est bila hasr, on avait dit, tu te rappelles? Sans limite. Le mutlaq, lui, il est limité. Mathalen, là, il a dit quoi? Fatahri rukbatin. Libération de un esclave. C'est un seul esclave. Pas tous les esclaves. Ça, c'est un itlaq. Par contre, s'il avait dit Fatahrir à Rukba, ça aurait été quoi là, tous les esclaves? S'il avait Alif Olem, Al-Lati Yali, Istirak, ça veut dire de libérer tous les esclaves. Là, c'est Tahrir Rukba, Wahida. Un seul esclave. C'est une différence qu'il y a. Donc le âm, il englobe tous les éléments de la nature, de la chose qui est désignée par le terme. On aurait dit مثلا rukaba, ar-rukaba. Ça aurait été elle, c'est-à-dire tous les esclaves. Le mutlaq, lui, c'est un seul. La différence qu'il y a également, c'est que le âm, il va prendre tous les éléments à la bab et shumul, tous ceux qui sont concernés par le mot de la nature. Alors que le mutlaq, quand on a un seul, tu choisis celui que tu veux. À la wajil badali, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là. À amshi, un esclave, c'est tout. Ça aurait été am, ça aurait été les esclaves tous. Et là, c'est tu choisis l'esclave que tu veux. T'en prends un, hop, il est plus esclave. Tu l'as affranchi. Même ta'ala, pareil. Donc tu prends le terme sous sa réalité, comme il t'apparaît. Tahli rokoba, un esclave, c'est tout. Là, il n'y a pas de qaïd, il n'y a pas encore de condition, c'est un esclave. Ça s'appelle ça un itlaq. Tu dis, Messalen, akrim rajulan, honore un homme. Tu vas dans la rue, tu choisis un homme, tu l'honores, khalas, t'as fait ton itlaq. Fahim ta'ala? C'est ça, Wajibadé. C'est-à-dire, tu choisis ce que tu veux, tant qu'il rentre dans le terme qui est pris dans l'itlaq, voilà, tu auras rempli le maxon. Amalo, si tu avais dit, Methalen, un exemple avec le ram, on t'aurait dit un exemple avec du pluriel. Akrim At-Tullab. Honneur les Tullab, les étudiants. Là, c'est un terme qui est âme. Ça veut dire tous les Tullab. Ou on aurait dit Akrim At-Talib. Et là, on veut quoi? At-Talib, c'est-à-dire l'étudiant. جنس الطالب. Donc là c'est quoi, ça c'est am. Maintenant je t'aurais dit akrim tullaban, honneur des étudiants. Là tu as une salle, tu as le masjid, tu as dit tullab. Dans le premier qu'on a appris, akrim tullab, ça aurait été qui? Tous qui sont dans la salle. Le tullab. Si je t'aurais dit maintenant avec le itlaq akrim tullaban, tu as choisi même deux ou trois, même si sept n'ont pas été honorés, ils n'auront rien à dire. Tu as vu la différence qu'il y a entre les deux? Pas mal. فخرج بقولنا بلا قيد المقيد. Donc, est exclu de notre parole sans condition celui qui conditionnait, comme cela on va le prendre, inshallah. المقيد. Donc là, c'est le mutlaq. ثم تعريف المقيد. المقيد. Qui est le isma ful de qayyada yuqayyidu. المقيد, lughatan, ma. جعل فيه قيد من بعير ونحوي. المقيد, c'est une chose en fait que tu as retenu, que tu as attaché, que tu as pu avoir ligoté, même menotté. Comme a dit Ibn Abbas, قيدوا العلم بالكتب, c'est-à-dire retenir la science par les livres, c'est-à-dire la science tu ne la laisses pas partir, tu la retiens comment? En l'écrivant dans les kutub. On dit قيد البعير, attache la monture. Qayyid al-Asir, menotte ou ligote le prisonnier. Fahim ta'ala, c'est le contraire de l'autre. L'autre, on a dit quoi? C'est quoi? Itlaq? C'est lâcher la chose. Wastilahan madalla ala al-haqiqa bi qayd. Istilahan, c'est ce qui indique une réalité, mais avec une condition. Kakulillahi ta'ala, fatahrir rukabatin mu'minah. Là, c'est dans un autre verset sur l'autre Nisa. Donc là, maintenant, c'est quoi? C'est libérer un esclave. Et c'est quoi la qaïd maintenant? Mu'mina, croyant. Donc là, c'est plus un itlok. Tout à l'heure, c'était n'importe quel esclave. Ça? Fatahri rokoba. Min kabla yantama, ça. C'est libérer un esclave. C'est-à-dire, tu aurais eu des esclaves qui auraient été un mu'min ou un kafir. Tu le libères, tu auras rempli la condition. Maintenant, ce verset-là, فَتَحْرِرْ رُقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Là, il y a un qaïd maintenant, il y a une condition. C'est quoi? C'est mu'min. فَخَرَجَ بِكُلِنَا بِقَيْدِ الْمُطْلَقِ. Donc, exclu par notre parole le qaïd, celui qui est mutlaq. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Que le taqyid, c'est l'action du qaïd, le taqyid est au mutlaq, ce que le tarsis au am. C'est son frère. Tout comme le mutlaq, il ressemble au am, mais il y a des différences. Enfin, l'action du tarsis dans le am équivaut au taqid dans le mutlaq. Sauf qu'on n'appelle pas pareil. Maintenant, Cheikh Al-Samy dit, si toi, tu as voulu dire tarsis, al mutlaq, comme ça, verbalement, on sait ce que tu as voulu dire par là, tu es excusé. Mais si tu es précis dans les termes, dans les stellaires, tu ne dis pas tarsis, tu dis taqid. Mais sinon, les deux se ressemblent. Tout comme le mutlaq, il ressemble au am. Avec des différences. Mais quand tu parles de mutlaq, pour pas qu'il y ait de confusion, tu dis pas tarsis, tu dis taqyid. Tu dis un am mukhassas, et tu vas dire un mutlaq muqayyid. En fait, le taqyid et le tarsis, c'est la même chose. C'est le même travail. Ils ont le même travail. Qui veulent stipuler. Il sort de son côté apparent qui est direct, on va dire radical. Le tarmim, c'est tout le monde. Quand tu fais un tarsis, tu es sur certaines personnes. Le taqid, le mutlaq, c'est une chose telle qu'elle est dans sa réalité. Le taqid, il t'amène une condition. Il te le retient. Il te le stipule. Il précise. Il se ressemble. Naam. Qal, al-amal bil mutlaq, al-an. Donc comment on agit avec un mutlaq dans les textes? يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لأن العمل بالنصوص بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. Donc c'est quoi la base? Le mutlaq, tu l'appliques comme il t'est apparu. car comme on l'expliquait au début, les textes, tu les prends comme ils te viennent. Tant que tu n'as pas un taqid, le mutlaq, tu l'appliques mutlaqan, comme il t'apparaît. وإذا ورد نص مطلق نص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا إلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. Donc maintenant, si on a un texte qui est mutlaq et on a un texte qui est muqayyid, on doit, يعني on a un texte qui est mutlaq qui est absolu, on va dire, et qui est muqayyid qui est avec qui est spécifique. Qu'on dit spécifique, ça se montre tarsis, c'est pour ça que j'aime pas ce terme-là. Qui est conditionné ou qui est. Dans lequel tu as une précision, on va dire comme ça. Alors tu dois agir avec cette précision lorsque le jugement est le même. Tu as un texte avec un itlaq. Après, tu as un texte avec les mêmes termes, sauf qu'il y a un taqid qui apparaît maintenant. Comme là, on l'a pris aujourd'hui. Tahlil rokoba dans surat al-Mujadala. Et Tahlil Rukaba Mu'mina dans Surat An-Nisa. Il dit que ce qu'on fait maintenant, on doit appliquer le taqiyyid dans les deux lorsque le jugement est le même. Là, ça va apparaître. Mithal ma kana al-hukm fihima wahidan, qulullahu ta'ala fi kaffarat al-zihar, comme on vient de le dire. Fa tahlil rukabatin min qabl an yatamassa. Donc là, dans ce verset-là, libérer un esclave avant qu'il n'ait des rapports. C'est quoi le jugement ? Libération d'un esclave. Wa qawluhu fi kafarat al-qatl 'amdan aw khata'an afwan qatl mu'min, celui qui a tué un mu'min, c'est quoi son expiation ? Qui a tué un mu'min par erreur. Fa tahlil rukbatin mu'mina. Libérer ou affranchir un esclave croyant. Qala al-hukm wahid wa tahlil rukbah. Donc là le jugement il est pareil, c'est l'affranchissement d'un esclave. يجب تأكيد المطلق في كفارة الظهر بالتأكيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في ركبة كل منهما. Donc dans les deux, le mutlaq, on doit le qayyid par quoi? Par le qayyid du thani. C'est-à-dire, maintenant, demain, tu as fait un zihar par rapport à ta femme, tu l'as rendu interdite, tu as dit que ça de ma femme est comme le dos de ma mère. L'expiation, c'est quoi? Libérer un esclave. Cependant, on doit appliquer le taqid dans Surat An-Nisa. L'esclave qui doit être libéré doit être mu'min. Pourquoi ? Parce que le jugement est le même. Donc là, on a un itlaq. Là, on a un muqayyid. On prend le taqid du deuxième et on l'applique sur le premier également. Car c'est le même jugement. C'est libérer un esclave. Maintenant, attention. On ne rentre pas dans les tafasil. Il y en a, ils ne sont pas d'accord avec ça. Après, tu as un khilaf. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce jugement-là. Nous, on reste sur la base du livre, d'accord ? Pour ne pas rentrer non plus dans tout le temps facile. Après, il dit, « Wa mithal ma laysa al-hukm fihi ma wahidan » Maintenant, il va donner, « Lorsque le jugement n'est pas le même. » Le jugement, là, on va donner l'exemple du jugement qui n'est pas le même, qui diffère. « Wa sadiqu wa sadiqa faqata'u aydiyahuma » Surat al-Ma'ida. « Que le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. » Donc là, il veut quand même maintenant arriver au terme « main ». Ça va être le « shahid ». وَقَوْلُهُ فِي آيَةِ الْوُضُوْ وَأَرْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ لِلْمَرَافِقِ. Dans le verset de l'Wudu, il dit « Lavez donc vos visages ainsi que vos mains jusqu'au coude. » Maintenant, on a quoi ? On a un taqid. C'est quoi ? On lave la main jusqu'où ? Jusqu'au coude. قال فالحكم مختلف ففي الاولى قطع وفي الثانيه غسل. Dans le premier verset, c'était quoi le jugement? C'était couper la main du voleur. Dans le deuxième, c'est laver la main pour l'eau. Donc maintenant, on fait pas un taqid du deuxième sur le premier. Le deuxième, si on lave les mains jusqu'où? Au marafiq pour l'eau. Ça, c'est le jugement de l'eau. Le voleur n'a pas coupé la main jusqu'au coude. C'est sûr, ça te paraît logique. Mais dans les textes, on va dire c'est un itlaq. Faqta'u aydiyahuma. Coupez-leur la main. Donc quelqu'un va dire, moi je prends le texte. Il y a un taqid, la main s'arrête où ? C'est quand même, ça veut tout la main. Ça veut dire quoi la main? En arabe, yad, c'est de l'avant-bras aussi. C'est pas que le kef, c'est pas que la main avec les cinq doigts. Quelqu'un va dire, donc ça s'arrête tout pour la main, pour le voleur. Quelqu'un va réfléchir, à dire, bah, dans le verset du Rousl, il est le marafiq, la main s'arrête au coude. On coupe jusqu'au coude. Alors que non, le voleur le coupe au poignet. Donc t'appliques pas le taqiyyid du Rousl sur le fait d'amputer la main du voleur. Femme ta'ala. Pourquoi? Ce sont deux jugements différents. T'en as un, c'est amputation, l'autre c'est purification, Rousl. Ah ben. Maintenant, mathalan, parmi les termes qu'on aurait de Itlaq, qu'on n'aura pas dans le Am, dans le Am, on a quoi? Parmi les alfaz al-umum, al-nakira, fi siyaq, ma'adha? Na'am, al-nafi, al-nahi, al-istifham. Lorsque le terme indéfini vient dans une phrase négative d'interdiction, d'interrogation, au réalisalika qui ressemble, là c'est quoi? C'est un terme qui va être am. Ama dans le mutlok, un nakira fissiek elisbet. On a pris au début. Un mot qui est indéfini dans une phrase affirmative. Ça va être quoi là? Un mutlok. C'est pas marqué là. Là, mais c'est écrit au début du livre. Au début, on l'avait pris. Donc maintenant tu dis, ra'aytu rajulan. J'ai vu un homme. C'est quoi ça? Mukayyad, j'ai vu un homme. Ra'aytu rajulan. C'est quoi ça? C'est un âme ou c'est un mutlaq? C'est un mutlaq. C'est un mutlaq. Il n'est pas mukayyad. Si j'ai vu un homme. Non, maintenant tu dis, ra'aytu rajulan tawilan. J'ai vu un homme grand. Là, t'as un qaïd, il est grand. Donc, c'est une précision en fait, un qaïd. Parce que quelqu'un demain, il te dit. Il y a eu des dégâts causés dans le masjid de nuit, dans la nuit. Les frères, ils dorment. Personne n'a rien vu. Et après, il y en a, il dit, Anar et Tourajulan, j'ai vu un homme. Donc là, tu peux suspecter beaucoup de gens. J'ai vu un homme. Donc déjà, les femmes, elles sont exclues. Il n'y a pas de femme qui sera accusée d'avoir fait quoi que ce soit, ni d'enfant. J'ai vu un homme. Maintenant, quelqu'un te dit, un autre, il vient, il dit, Anar et Tourajulan, Tawilan. Ah, donc là maintenant, c'est un homme qui est grand. Donc déjà, tous les petits, ils sont exclus. La suspicion sur eux, elle tombe pas. Un troisième vient dire, Ana raitu rajulan tawilan salan labisan kamisan abiyad. J'ai vu un homme grand qui portait un kamis blanc. Tous ceux qui ont un kamis qui n'est pas blanc, ils sont exclus au fur et à mesure comme ça. Tu fais un taqid. Et on a dit les afael, je ne sais pas si tu te rappelles au début, Mima tufidu l'itlaq ou l'al-umum. Les verbes viennent pour l'itlaq. On les prend au début. Dans les kalima, on a pris l'ism. On le dit parmi eux certains. Tufidu l'umum, kaza kaza. On a pris le harf. On a pris le fi'l. On a dit le fi'l, yufidu l'itlaq. La'umum ou fi'i. Donc c'est la kira fi siyaq al-kufula, tufidu l'itlaq. Non. Une chose indéfinie dans une phrase affirmative, yofido alitlok. Mafumada. Donc ce qu'on a appris aujourd'hui, après il y a d'autres tafasil. Là, comme on a dit, nabqa ala al-usul, les bases. Et souvent cette masala, quand est-ce que c'est un même hukm à kaza, c'est une masala sur laquelle il y a encore un kalam qui pourrait rentrer, mais naktafi biha hada nahnu al-yawm. On a appris le mutlok, madalla ala hakika. Et on a pris bilaqaid, on a pris le mukayyib, c'est madala ala al-haqiqa biqaid. Et on a dit que la différence entre l'âme et le mutlaq, c'est que l'âme, il englobe tous les éléments. Le mutlaq, un seul ou alors un nombre défini. Pas tous. Les exemples, un exemple, pour finir, idrib al-rijal. Frappe les hommes. Là, c'est âme. Tous les hommes, tu vas voir, tu vas les frapper. Tu dis idrib rijalan, frappe des hommes. Ça c'est mutlaq. Même t'en frappes 2-3, khalas. C'est pas tous les hommes. C'est certains. Et tant que t'as pas de kaïd, tu choisis qui tu veux. Maintenant on te dit idrib rijalan kuffaran. Là, déjà, les muslims, tu ne les frappes pas. Tu vas frapper des hommes koufars. C'est quand même une classe. Les moukayed maintenant. Ah, par quoi ? Ce sont des koufars. Après, tu peux ajouter encore un kaïd. Rijalan, koufaran, maseren, kibaran, qui sont grands. Tu peux rajouter plein de koudoudes comme ça. Kaïd, kaïd, jusqu'à ce qu'arrive à un truc précis, vraiment précis. Donc, tu as vu, il se ressemble un peu le Amel le Mutlaq. Mais il y a des différences. Après, il y a une tabac, il faut faire attention. Fahim ta'ala. هذا هو درس اليوم ونكتفي بهذا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك